Et avant qu'on se quitte, je voudrais vous lire un bref message que j'avais eu l'occasion d'écrire il y a quelques semaines. C'était donc le 2 du mois de Shawwal de l'an 1435, qui correspond au 30 juillet 2014. Et ce message, il était intitulé « À propos des écoles musulmanes à Montpellier et ailleurs ». Et la raison qui me pousse à vous lire ce message, bien qu'il y a plusieurs mois qui sont passés depuis le moment où je l'ai écrit, c'est que je me suis rendu compte que un certain nombre de personnes, et le plus surprenant c'est que une partie d'entre elles, en partie de ceux qui réclamaient de manière plus ou moins explicite, voire exigeait ce genre de message-là, n'ont pas jugé nécessaire de le relayer et de le diffuser. Et Allah tabaraka wa ta'ala sait mieux que quiconque ce que les poitrines cachent. Dans ce message, donc j'avais eu l'occasion de dire « Louange à Allah seul, qu'il couvre d'éloges et salue celui après qui il n'y aura plus de prophète. » Ceci dit, il m'est parvenu que certains bruits couraient disant que je conseille aux parents montpelliérains de placer leurs enfants dans une certaine école musulmane présente à Montpellier, en affirmant que c'est mieux que de les placer à l'école publique. Afin d'exposer ma position à ce sujet, je dirai, premièrement, l'école publique contient ses méfaits, bien antérieurs à l'apparition de la théorie du genre qui y est enseignée. En effet, c'est la mécréance et l'athéisme qui y sont enseignés, et cela depuis des décennies. De plus, l'impact néfaste du milieu scolaire en France sur les mœurs de la jeunesse musulmane est flagrant pour quiconque bénéficie d'un minimum de clairvoyance. Je fais référence ici à un point qui est important, et malheureusement, un certain nombre de musulmans, et je ne veux pas généraliser, ne font attention qu'à ce qui est apparent et ce qui est percutant, et ne sont pas attentifs à ce qui peut être plus pernicieux et plus vicieux. Et tu vas trouver donc de grandes réactions et des cris de mécontentement à cause du fait que à l'école publique, on enseigne à présent la théorie du genre. Et tu vas trouver un silence affligeant concernant le fait que depuis des années, il est avéré que l'athéisme, naam, est un certain nombre de principes mécréants et impies sont enseignés aux enfants. Et également, tu retrouveras beaucoup de négligence quant au fait que les enfants musulmans vont se retrouver dans ce genre d'établissement mélangé à des enfants qui ne sont pas musulmans, et que forcément, ils vont être influencés par leur comportement. Et ici, donc, je n'ai peut-être pas l'occasion de développer plus que cela, et je me contente donc de ces quelques allusions. Deuxième point, bon nombre d'écoles musulmanes en France contiennent leurs méfaits. Les écoles musulmanes à Montpellier, qu'elles aient vu le jour ou qu'elles ne soient qu'au stade de projet, n'étant pas exemptées de cet amer constat. Parmi ces méfaits, le fait que bon nombre de leurs responsables, je dis bon nombre, et là aussi je ne veux pas généraliser, le fait que bon nombre de leurs responsables suivent des idéologies étrangères à la sunna, notamment celle du groupe d'Al-Ikhwan al-Muslimoun, appelé donc en français les frères musulmans. Parmi ces méfaits également, le fait qu'un certain nombre de leurs responsables ne soient pas habilités à gérer des projets islamiques. Ceci se manifeste par ce qui suit. Dans leur manière de gérer les relations avec les autorités, en faisant bien souvent des concessions sur des fondements de la religion, ou en faisant preuve d'une prévenance abusive, ce qu'on appelle en arabe « al-mudahana », qui est un principe qui est strictement interdit en islam. Al-mudahana, barakallahu fikum, c'est le fait de faire des concessions sur la religion afin d'arriver à un but terrestre lié à ce bas monde. Et c'est l'inverse de Al-mudara. Al-mudara, c'est le fait de faire une concession quant à une chose liée à ce bas monde afin de concrétiser un objectif religieux. Al-mudara, c'est le comportement des croyants. Al-mudahana, c'est le comportement des hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Également, parmi ce dans quoi se manifeste le fait qu'un certain nombre de leurs responsables ne soient pas habilités à gérer des projets islamiques, le laxisme dont ils font preuve dans leur relation avec les groupes innovateurs se réclamant de l'islam. Également, le laxisme dont ils font preuve dans le choix des professeurs. Et également dans leur incompétence dans le choix des programmes. Et là aussi, je me contente de ne faire que des allusions sans rentrer dans les détails et sans citer d'exemples. Troisièmement, il est à partir de là difficile de donner une réponse unique à la question « Doit-on inscrire nos enfants à l'école publique ou à une école musulmane de Montpellier ou d'ailleurs ?» Quatrièmement, il n'y a pas l'ombre d'un doute que la solution au problème de la scolarité en France reste la hijra, c'est-à-dire de s'exiler en terre d'islam. Cela doit être l'objectif de chaque musulman de France, car, qu'on se le dise, le musulman ne peut pas pratiquer ouvertement sa religion en France. Et ce passage-là, je l'ai écrit en gras. Le musulman, qu'on se le dise, le musulman ne peut pas pratiquer correctement sa religion en France. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit « L'extériorisation de la religion veut dire appeler à Allah, extérioriser l'appel à Allah, c'est-à-dire appeler ouvertement à Allah, proclamer ouvertement la fausseté sur laquelle sont les mécréants et condamner ce sur quoi ils sont comme mécréants et associations. » C'est-à-dire shirk, polythéisme. Ceci est réellement l'extériorisation de la religion. L'extériorisation de la religion n'est pas, comme le comprennent certaines personnes, qu'ils te laissent prier, jeûner, sans qu'ils ne s'en prennent à toi. Ceci n'est pas l'extériorisation de la religion. L'extériorisation de la religion, c'est que tu condamnes la mécréance et l'associationnisme, ou le polythéisme, que tu appelles à Allah, et que tu démontres la fausseté de la religion des polythéistes. Ceci est réellement l'extériorisation de la religion, et ce que je vous ai lu est là, traduit par le site de Dar al-Hadith de Shihr et a été légèrement adapté ici. A partir de là, vu la situation des musulmans en France, nous pouvons affirmer que même en présence d'établissements musulmans compétents, la solution de l'école musulmane constituerait une solution qui devrait rester temporaire et qui n'exempterait en rien d'émigrer en terre d'islam. Quant à la question de savoir si les pays musulmans sont exempts de problèmes scolaires, j'y répondrai en disant premièrement, ces problèmes seront sans aucun doute moins graves que ceux rencontrés en France. De plus, les parents auront devant eux un plus large choix d'établissements scolaires compétents. Deuxièmement, cette question est liée à ceux qui ont accompli l'obligation de la hijra. Quant à ceux qui ne l'ont pas encore effectuée, ils doivent se préoccuper de leur responsabilité du moment et savoir que les éventuelles difficultés rencontrées en terre d'islam n'exemptent en rien de s'y exiler. Cinquième point, abordé dans ce bref et modeste message, reste à se poser la question relative à ceux qui sont réellement dans l'incapacité d'émigrer vers un pays musulman. Ceux-là doivent se rappeler qu'Allah sait ce que cachent les poitrines. Il distingue donc celui qui est véridique lorsqu'il dit qu'il est dans l'incapacité d'émigrer de celui qui, au final, ne se manque qu'à lui-même. Concernant leurs enfants, ils doivent faire leur possible pour assurer leur enseignement à domicile. Et si ce n'est vraiment pas envisageable, ils doivent étudier leur situation en évaluant les avantages et les inconvénients présents dans chacune des solutions qui se présentent à eux. Consulter les personnes aptes à les conseiller et contacter les gens de science afin de leur exposer leur situation et celle de leurs enfants. L'expression française dit que chacun voit midi à sa porte, ce qui signifie ici que celui qui aura pris la décision d'inscrire son ou ses enfants dans tel ou tel établissement ne doit pas en arriver à lui faire de la publicité, car il est possible que ce qui pour lui est une solution religieusement légitime ne le soit pas pour une autre personne dont la situation serait différente. J'appelle donc l'ensemble de mes frères et sœurs à craindre Allah et à bien analyser ces questions en étant responsable et éveillé. Et Allah est plus savant qu'il couvre d'éloges notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et je terminerai en disant, louange à Allah, Seigneur des mondes. Ce message a donc été écrit à Montpellier le 2 du mois de Shawwal de l'an 1435, le lendemain de l'Eid de la rupture dernière, qui correspond au 30 juillet 2014. Sachant qu'on est au mois de Rabi al-Awwal, et qu'on est dans le mois de Rabi al-Awwal le combien ? On est le 6. Donc il y a plusieurs mois qui se sont écoulés. Il y a approximativement 5 mois qui se sont écoulés. Et j'ai pu remarquer que ce message ne s'est pas diffusé. Et que les polémiques continuent concernant cette fameuse école et le fait d'y inscrire ses enfants. Et on est ici face à plusieurs constats. Premièrement, le fait que on trouve des gens qui se prononcent sur ce sujet-là et qui n'ont pas saisi la réalité du problème. Premièrement, on entend de temps à autre, pourquoi mettre ses enfants dans cette école alors qu'en haut de la paillade, il y a une école qui suit la sunna et qui est mieux. Cette remarque ou cette question, elle prouve que la personne qui la pose n'a pas compris le problème. Car là, on est en train de parler d'une école qui dispense l'enseignement de l'école publique. L'école qui est visée en haut de la paillade est une école qui enseigne la langue arabe et le Coran. Donc ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Deuxième remarque, le fait de dire il est préférable que l'enfant ne bénéficie pas d'enseignement plutôt que de les mettre chez des innovateurs. La question ici est totalement différente, car on est en train de parler de personnes qui ont leurs enfants qui ont atteint un âge où l'enseignement est devenu obligatoire. Donc ils doivent obligatoirement faire quelque chose. Naam. Donc la question ici est tout autre. Et il y a une règle qui est connue chez les ulama qui dit Al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Le fait de juger une chose dépend du fait de se la figurer correctement et de se la représenter correctement. Car sinon le jugement va être faussé. Également, il y a certaines choses qui sont accablantes. Car comme on l'a dit ici, chacun voit midi à sa porte. Et il est affligeant d'entendre que certaines personnes mettent leurs enfants à l'école publique et en viennent à blâmer ouvertement ceux qui mettraient leurs enfants dans cette école-là, alors que les dangers de l'école publique, ils sont connus de tous. Donc, barakallahu fiik, regarde ce qui te concerne à toi et ne va pas mettre ton nez là où tu n'as pas à le mettre. Et garde en tête le principe connu dans l'adage arabe, laysa hadha bi'ushiki fadruji, tu n'es pas dans ton nid ici. Donc je te demande de partir. C'est un adage arabe qui est connu. Également, si certaines personnes ont un œil sur la da'wa à Montpellier et qu'ils jugent valable et opportun de se prononcer à partir de ce que cet œil unique peut voir, il faut qu'il sache qu'il y en a d'autres qui ont leurs deux yeux qui sont sur la da'wa à Montpellier, et que ces deux yeux-là, walillah alhamd, ils sont ouverts. Et que certaines autres personnes sachent que si elles éprouvent de la jalousie pour la religion, il y a d'autres personnes qui éprouvent de la jalousie pour la religion. Et que, au minimum, si toi tu penses éprouver de la jalousie pour la religion, dis-toi que ton frère ait la bonne opinion de lui. Et dis-toi que lui, peut-être qu'il en éprouve encore plus. Pars de ce principe-là, barakallahu fik. Et peut-être que ça t'évitera de mettre ton nez là où tu n'as pas à le mettre. Et ça t'évitera de tomber dans la désobligeance en venant exiger de ton frère de clarifier sa position par rapport à telle ou telle chose. Et pars du principe, barakallahu fik, que si on en vient parfois à ne pas clarifier au moment où toi tu l'exiges une position, c'est qu'il y a une raison derrière ça. Et que si toi, tu as appris sur Twitter, ou que tu as appris sur Facebook, ou que tu as appris sur tel ou tel site, qu'il faut clarifier la vérité, dis-toi qu'il y a des gens qui ont appris auprès des ulama à quel moment ils doivent clarifier la vérité. Et que, alhamdoulillah, on n'est pas endormi, et que, alhamdoulillah, les deux yeux, ils sont ouverts, et que, alhamdoulillah, lorsqu'il s'agit de clarifier la vérité, on n'hésite pas à le faire. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il sait cela, et c'est lui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Quant à toi, lorsque la clarification viendra, attelle-toi à faire partie de ceux qui ont une bonne position. Et on verra comment tu réagiras à ce moment-là. Lorsque cette clarification-là est venue, on n'a entendu personne. Les gens qui demandent de la clarification, ils ne l'ont peut-être même pas lu. Et encore moins, diffusé. Et parmi les raisons qui motivent cela, c'est que quand tu viens clarifier, il y a certaines personnes qui évoluent en eau trouble et qui aiment bien semer la zizanie, eh bien ça ne va pas dans leur sens. Car la clarification, elle est censée mettre fin à la polémique. Mais la personne qui cherche la polémique, la clarification, ne va pas dans son sens. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Et quant à nous, on est aux aguets. Et il y aura un moment où la clarification viendra et que certains noms vont être mentionnés et que ces noms-là ne sont pas forcément les noms que certains attendent. Wallahu al-musta'an wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.